On aborde ensemble la question du mystère de l'Antéchrist. Si ça tombe justement à cette date du 9 février 1985, il n'y a pas de hasard, et je vais essayer de vous expliquer dans cette conférence pourquoi on parle du mystère de l'Antéchrist justement à cette date très précise de l'année dans le cycle solaire, c'est-à-dire dans le cycle, si l'on veut, liturgique de la planète. Je vais tenter tout d'abord d'essayer de vous expliquer la différence qui existe entre deux concepts qui sont souvent mêlés dans la pensée ésotérique, c'est-à-dire le concept de l'Antéchrist et le concept de l'Antichrist. Et ça, c'est fondamental si on veut commencer à comprendre les choses. D'abord, le concept de l'Antéchrist, puisque c'est le thème de la conférence. L'Antéchrist, c'est une énergie. L'Antéchrist, c'est une énergie sur le plan intérieur. Et c'est également une énergie sur le plan extérieur. Et c'est absolument cela qu'il faut évidemment comprendre. Sur le plan extérieur, l'Antéchrist, ou ce qu'on pourrait appeler dans une terminologie un peu plus mystique, le corps mystique de l'Antéchrist, eh bien c'est ce groupe d'entités extérieures qui habitent sur des plans physiques ou sur des plans invisibles et qui forment ensemble tout un phénomène d'énergie qui est celui qui prépare la venue de ce qu'on appelle à l'intérieur de l'homme la conscience christique ou de ce qu'on pourrait appeler, si on veut, le supramental. Donc, l'incarnation sur Terre du supramental ou de la conscience christique ne peut se préparer qu'en vertu, justement, d'une entité ou d'une énergie qui va préparer le terrain. Et cette énergie qui prépare le terrain, c'est ce qu'on appelle l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant le Christ, celui qui prépare, si l'on veut, la voie, celui qui crie au désert, comme ça s'est déjà produit dans les textes, enfin, ce que nous rapportent les textes sacrés. Pour former ce corps mystique de l'antéchrist, il se réunit, autant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, différents groupements d'énergie, dont des énergies qu'on appelle, nous, des âmes humaines, c'est-à-dire des intelligences humaines. Il y a un certain groupe d'intelligences humaines qui se dévouent à la tâche de préparer progressivement la conscience, les différents êtres qui habitent sur cette planète, à recevoir, à intérioriser ce qu'on appelle ésotériquement la conscience christique. Alors, ce groupe d'entités, ce sont des entités qui font partie, par exemple, d'écoles initiatiques, qui font partie d'ordres occultes, comme l'ordre de la Rose-Croix, comme l'ordre martiniste, comme certains groupes maçonniques, dont le rôle est précisément de préparer les individus à cette fusion avec cette conscience autre, cette conscience d'unité, cette conscience créatrice qu'on appelle la conscience christique. Ça, c'est à un premier niveau. Donc, les occultistes, si on veut. À un deuxième niveau, toujours dans la catégorie des hommes, vous retrouvez ceux qu'on appelle les mystiques, les grands mystiques, les saints. Ceux qui sont passés à l'histoire, Saint Benoît, ces entités-là, qui ont eu également une fonction de préparer l'homme à cette rencontre intérieure, à ce contact à la fois intérieur et extérieur avec la conscience christique. Il y a un autre niveau d'énergie également qui fait toujours partie de ce qu'on appelle l'antéchrist et qu'on appelle dans les milieux un peu plus fermés, le gouvernement invisible, ou qu'on appelle, selon une terminologie hindoue, parce que la terminologie occidentale n'est pas connue, pour éviter justement qu'il y ait une certaine forme d'interférence possible, donc ce qu'on appelle en terminologie hindoue Shambhala, qui est ce niveau de gouvernement solaire, planétaire aussi, qui est intégré actuellement aux structures de notre planète, et dont le but est justement de préparer les énergies, de préparer ce qu'on appelle les initiations, et petit à petit amener des êtres humains à vivre progressivement à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'on pourrait appeler un principe supramental. Donc, il y a ce gouvernement invisible qui est formé d'entités à différents degrés. Il y a des entités humaines, comme les grands noms, comme celui qui est derrière nous, le comte de Saint-Germain, qui s'appelle aussi Christian Rosenkreuz, et différentes autres entités qui sont des êtres humains qui ont été des initiés très avancés dans les périodes passées de notre évolution, par exemple en Atlantide, qui ont reçu des hauts grades initiatiques, qui sont maintenant libérés de devoir faire le travail de l'humain ordinaire et qui, sur d'autres plans, veillent justement à ce que d'autres personnes atteignent un jour ce niveau de libération. Alors ça, c'est une autre catégorie d'entités qui font partie du corps mystique de l'Antéchrist. On retrouve aussi parmi ce corps mystique de l'Antéchrist ce qu'on appelle les anges, qui sont des entités intermédiaires entre la divinité et l'homme. Ces anges sont connus à plusieurs niveaux. Mais ce sont toujours ces entités qui permettent à la fois un contact entre les humains qui sont sur le plan matériel et les hautes sphères de gouvernement céleste. Alors, comment il fonctionne? Selon toutes les traditions ésotériques, on sait que ces anges, qui sont, selon la tradition kabbalistique, au nombre de 72, c'est ce qu'on appelle en kabbale la Shema Mfarash, ces 72 anges, c'est-à-dire ces 72 agelos, ces messagers de Dieu, sont des entités qui amènent ou adressent tout ce qu'on réclame de la divinité, dirigent ces réclamations, si on veut, à la divinité, alors qu'ils font également la mission inverse, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans les hautes sphères des principes spirituels qui peuvent nous servir et ils les descendent sur le plan matériel et ils permettent de nous les intégrer à l'intérieur de soi-même. Donc, la relation qui existe entre l'homme et les anges est très importante dans un rapport est celui du corps mystique de l'Antéchrist. C'est pourquoi, lorsque la conscience christique s'est incarnée autrefois dans un être qu'on appelle le Nazaréen, à partir du moment où la conscience christique s'est incarnée dans le Nazaréen, il y a eu dans la vie du Nazaréen intervention à plusieurs reprises de ces fameuses entités qu'on appelait les anges, qu'on appelle toujours les anges. Alors, les anges ont servi, par exemple, le Nazaréen dans le désert, après sa période de jeûne surtout. Ils l'ont servi également, ils l'ont consolé à Gethsémani. Donc, il y a toujours un rapport entre l'homme et ses entités, ses intelligences, disons extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps matériel terrestre, ces intelligences qui ont un rôle très précis à jouer dans l'évolution, évidemment, de l'homme. Tout ce groupement d'entités s'appelle aussi, d'une certaine manière, le Graal blanc, les forces de la lumière sur Terre, et forme donc ce qu'on appelle ésotériquement l'Antéchrist. Et c'est cet Antéchrist qui prépare l'apparition du Christ, c'est-à-dire la manifestation de la conscience christique, non pas une manifestation de la conscience christique sur un plan matériel, comme certaines entités voudront le faire croire, et ça, ce sera la deuxième partie de mon exposé de ce soir, où on parlera de l'Antichrist, mais dans une dimension autre, qui est la dimension éthérique, c'est-à-dire à un niveau d'énergie un tout petit peu différent de celui du niveau matériel chimique ordinaire, un niveau d'énergie où les vibrations sont beaucoup plus élevées, un niveau d'énergie que normalement on ne voit pas avec nos yeux, sauf si on a une spécialisation particulière au niveau du nerf optique ou au niveau de la couche rétinienne dans l'œil. Donc, préparation de cette venue du Christ. Cette venue du Christ dans l'éther, qui se manifestera selon toute la tradition ésotérique, notamment chez Rudolf Steiner, on en parle assez clairement, qui se manifestera à la fin du 20e siècle, ce qui est très près. Et évidemment, le corps mystique de l'Antéchrist, c'est-à-dire toutes ces entités qui préparent progressivement l'homme à conscientiser l'apparition de la conscience christique ou à ressentir les vibrations christique en eux, eh bien, ou en lui, eh bien, Rudolf Steiner a donc mentionné cette date, et à travers cette mention de Steiner qui était un initié important dans le domaine de l'initiation chrétienne, eh bien, il y a eu toute une recherche qui a été faite autour, et c'est confirmé dans la plupart des écoles ésotériques que, justement, cette date de la fin du 20e siècle sera très importante pour ce contact, donc, avec la conscience christique. Pour que ce contact puisse se réaliser. Et c'est là que tout est intéressant. Autrement dit, je vais vous donner là le rôle et le travail de l'Antéchrist. C'est précisément d'amener l'homme à se libérer de la matière matérielle, chimique, ordinaire. Et ce moment de libération-là, c'est ce que, ésotériquement, on appelle la résurrection. Vous savez que les théologiens condamnent beaucoup trop rapidement parfois les occultistes en disant « les occultistes croient en la réincarnation et puis nous, on croit à la résurrection, c'est la tradition chrétienne, et les deux sont inconciliables ». Il n'y a pas plus faux que cette affirmation de l'inconciliabilité de ces deux concepts, parce que en fait, ils sont totalement complémentaires. Et il y a évidemment une suite causale de réincarnation, c'est-à-dire que on est dans un cycle où, existence après existence, on reprend un corps matériel pour prendre certaines expériences, évidemment, sur ce plan matériel, pour devenir des gens qui vont avoir une maîtrise de la matière. Alors ça, évidemment, c'est très important. Mais il y a au bout de cela quelque chose de différent. Il y a au bout de toute cette lignée causale d'existence et d'existence et d'existence, il y a une libération. Il y a un jour où l'homme quitte ses véhicules corruptibles, son véhicule corruptible, et ne reprend jamais un véhicule corruptible, reste à un autre niveau, dans un véhicule tout à fait différent, beaucoup plus subtil, qui est le véhicule éthérique, ce que Paracelse et certains anciens occultistes appelaient le corps sidéral, parce qu'il a une forme étoilée, il a la forme du pentagramme. Et c'est dans ce corps-là que l'homme poursuit son évolution à un autre niveau, à ce que ésotériquement on appelle en alchimie la Nouvelle Jérusalem. Donc, l'homme va quitter ce plan matériel un jour. Et le rôle de l'Antéchrist est d'amener éventuellement l'arrêt de ce cycle de réincarnation. Et lorsque cet arrêt se produit, pas parce que on a une grâce spéciale qui arrive, mais parce que l'homme a terminé son expérimentation sur le plan physique, eh bien, à partir de ce moment-là, il est ce qu'on appelle un ressuscité. C'est le processus de résurrection qui fait qu'il quitte définitivement le plan matériel et il reste maintenant dans un autre royaume qui est ici, hein, comme nous l'enseignait le Nazaréen, qui est ici, évidemment, mais qui est invisible pour les yeux de l'homme ordinaire. Donc, la résurrection est évidemment très importante. C'est un concept qui est très incompris. Comme c'est un concept clé dans le développement initiatique, eh bien, évidemment, les entités qui n'ont pas intérêt à ce que la conscience christique soit intériorisée ont, si on veut, apporté à ce concept-là des faussetés. C'est-à-dire que aujourd'hui, on croit habituellement que la résurrection, c'est une résurrection de la chair. C'est une résurrection du corps matériel, alors que c'est évidemment tout à fait le contraire. La résurrection, ce n'est pas la résurrection du corps, c'est la résurrection de l'esprit. Et c'est ça le message de l'Antéchrist, c'est de ressusciter à l'intérieur de l'homme l'esprit. L'esprit qui sommeille, l'esprit qui est presque mort parce qu'on l'a enterré. Parce qu'on l'a enterré de différentes manières, on l'a enterré avec notre sensibilité, avec tout notre appareil sensoriel qui capte les énergies autour de soi, qui dynamise correctement notre néocortex, c'est-à-dire notre cerveau extérieur, qui nous fait penser, qui nous fait avoir certains éléments passionnels, etc. Donc, tous les véhicules de la personnalité, tout ce qui constitue notre personnalité, que ce soit nos émotions, que ce soit nos sentiments, que ce soit nos pensées, si ces pensées, ces émotions, ces sentiments sont orientés vers la matérialité, autrement dit, si l'esprit vit l'illusion de la matière, s'il se laisse capter par cette matière et qu'il est tout simplement manipulé par cette matière, il est omnubilé par cette matière, eh bien, il enterre cet esprit. Il fait taire cet esprit en lui, il lui met des bandelettes comme une momie, et on se retrouve, à un siècle comme le nôtre, avec des esprits momifiés. Avec des esprits qui n'ont plus à l'intérieur de l'homme le pouvoir, avec des esprits qui ne peuvent plus justement manifester les pouvoirs de l'esprit, c'est-à-dire cette énergie qui permet à un homme d'enseigner, qui permet à un homme de guérir, qui permet à un homme d'exorciser. Tous ces pouvoirs de l'esprit, ils vont se manifester uniquement, évidemment, si on réanime à l'intérieur de soi cet esprit éternel. Et cette réanimation, eh bien, ce déterrement progressif de cet esprit qu'on avait enfoui dans le sol, eh bien, ce phénomène-là va se produire, évidemment, à l'intérieur même du cadre de l'action de l'Antéchrist. Donc, l'Antéchrist a pour fonction, si on veut parler dans un langage moraliste, parce que quand on parle de l'Antéchrist, on se met en rapport avec le Christ, donc on se met en rapport avec toutes sortes d'institutions qui ont une importance sur un plan religieux, eh bien, si on veut parler en termes moralistes, c'est l'Antéchrist permet la transformation du vice en vertu, c'est-à-dire de la dépendance par rapport à la matière en virtus, c'est-à-dire en puissance. Et c'est même le rôle de l'incarnation de Dieu ou de l'Esprit qui est de partir d'un état où cet esprit-là était omniscient, mais tout à fait statique, sans aucun pouvoir dynamique, et par la résistance de la matière, c'est-à-dire par la résistance de tout ce qui se retrouve autour de lui, progressivement éveiller en lui cet esprit et le rendre dynamique pour que à la fin de son pèlerinage dans ce qu'on pourrait appeler l'incarnation, il soit un homme qui ait des pouvoirs et qu'il ne soit même plus un homme, mais qu'il soit un Dieu créateur. Et ça, c'est le rôle éventuel, évidemment, qui est attribué à toute la hiérarchie qu'on appelle les êtres humains. Donc, l'Antéchrist a pour rôle la régénération de l'individu, a pour rôle de détruire ce que, encore une fois, dans un langage moraliste, on appelle les sept péchés capitaux. Pourquoi capitaux? Parce que ça vient de caput, qui veut dire la tête. Ce sont les péchés de la tête, c'est-à-dire, c'est ce qu'on retrouve dans les rituels d'alchimie. concernant la fameuse tête de mort, la caput mortem, bien, cette tête de mort, c'est précisément cela, c'est toutes ces illusions qui bercent l'esprit, qui endorment l'esprit, ces illusions sensorielles qui viennent de la matière, qui forment cette caput mortem. Et cette tête de mort, eh bien, elle ne pour, du cabinet, qui se trouve dans le cabinet des occultistes, elle ne pourra être éveillée que par ce processus de transformation, par ce cycle d'un travail magique à l'intérieur de soi, grâce évidemment au travail de l'Antéchrist. Et pourquoi j'ouvrais la conférence en vous disant c'est intéressant de parler de l'Antéchrist le 9 février 1985? C'est parce qu'aujourd'hui s'ouvre une période très importante dans le cycle annuel qu'on appelle le cycle solaire. Aujourd'hui débute ce que ésotériquement on appelle le carême. Le carême, c'est une période de 40 jours qui précède la Pâque. Et la Pâque chez les occultistes et la Pâque dans la religion, c'est différent. La Pâque dans la religion, peut-être qu'on aura le temps durant la période de questions de développer ça, c'est fixé selon des règles astrologiques qui sont différentes, alors que la Pâque en occultisme, c'est une période très précise, c'est l'équinoxe de printemps. C'est au moment de l'équinoxe de printemps qui se produit quoi? Qui se produit la résurrection sur un plan planétaire, parce que la conscience christique qui est à l'intérieur de la planète, au centre de la planète, et qui irradie vers l'extérieur, donc par analogie, qui est au centre de nous-mêmes, dans le cœur, et c'est précisément le lieu où la conscience supramentale est, et qui irradie à l'intérieur du corps, bien cette conscience christique quitte la planète Terre au moment de l'équinoxe du printemps et s'élève progressivement dans les cieux jusqu'à être rendue dans le royaume du Père au solstice d'été, alors que le soleil, sur un plan extérieur aussi, est rendu à un très haut niveau. Donc, ce qui se produit à l'équinoxe du printemps, c'est la résurrection, mais la période qui précède cette résurrection, qui est la période du carême, c'est la période où l'homme qui est éveillé à la conscience christique va se préparer justement à cette résurrection. Donc, qu'est-ce qui se produit? Si on regarde les textes sacrés et les rituels initiatiques, se produit ceci. Il y a d'abord le baptême. Le baptême, c'est la fusion de l'homme avec les principes spirituels, avec la conscience christique. Lorsque cela s'est produit, dans l'histoire, par exemple, du Nazaréen, suit la période de 40 jours. Cette période de 40 jours est une période de tentation, où justement, l'homme va subir la résistance. Et dans la mesure où il y aura une résistance forte, c'est-à-dire où il y aura un tentateur très, très bien en place qui va porter atteinte justement à cet aspirant sur la spiritualité, eh bien, la graine christique qui avait été plantée en lui au moment du baptême, elle va se dynamiser progressivement. De telle sorte qu'après les 40 jours, sous l'influence occulte de ce qu'on appelle l'Antéchrist, l'individu, l'aspirant à l'initiation, a en lui une potentialité christique qui n'est plus seulement un potentiel, mais qui est une énergie dynamique, une énergie qui peut commencer à se manifester dans le monde d'une façon très précise. C'est pourquoi le ministère du Nazaréen dans l'histoire évangélique débute justement après le passage au désert, après cette période de tentation. Avant, il n'y a rien qui est fait. Le Nazaréen reçoit la conscience christique au baptême, et là, il jeûne pendant ses 40 jours, il subit la tentation, et après, tout de suite après, il commence ses miracles avec les noces de Cana, etc. Donc, l'homme qui suit un processus initiatique, c'est la même chose. Un individu parmi nous qui s'initie progressivement à la magie christique, à la magie blanche, c'est un homme qui va se servir de ces cycles-là. Et, par exemple, il va savoir que durant ces 40 jours, il doit faire certains exercices très particuliers, qui sont des exercices du reste dont j'ai parlé toute la journée en séminaire à Sherbrooke, qui sont des exercices où, justement, le candidat se prépare par la résistance à la tentation à dynamiser en lui son pouvoir christique. De telle sorte que toutes les actions théurgiques, c'est-à-dire les actions de magie pratique, de magie blanche, vont s'amorcer à partir de l'équinoxe du printemps, alors que le candidat a développé en lui ses potentialités christiques par la cèse. Et cette voie dans le désert, cette voie qui permet à l'homme de passer à travers la tentation, c'est ce qu'on appelle ésotériquement l'antéchrist. Alors l'antéchrist est particulièrement actif dans cette période de 40 jours, où il a mandaté, si on veut, 8 anges très particuliers, qui sont les 8 anges, les chérubims des kabbalistes, et c'est durant ces 40 jours, c'est-à-dire à partir du moment où le soleil entre dans le 20e degré du Verseau jusqu'à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire où il entre dans 0 degré du bélier, eh bien, vous avez durant ce secteur zodiacal, vous avez une influence très importante des anges. C'est pourquoi on parle tellement de l'influence des anges au désert avec le Nazaréen. Donc, cette influence des anges, elle s'est amorcée aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus que jamais, et durant les 40 jours qui viennent, l'homme est soumis vibratoirement et il est très près, donc s'il en profite, il peut capter ses énergies, il est très près d'une hiérarchie angélique, d'un des cœurs angéliques qui a une fonction très importante qu'on appelle précisément les anges. Et c'est ces anges qui vont préparer, à travers le mystère de l'Antéchrist justement, qui vont préparer l'homme à un travail de lumière, à un travail positif, à une expression de la conscience christique. Donc, l'homme qui est un peu conscient de ces phénomènes peut très bien, durant cette période du carême, se fusionner par différents moyens avec ses intelligences angéliques, qui portent des noms, du reste qui sont les noms de kabbalistique de Hachem HaMefarach, qui sont des noms qui avaient été oubliés dans l'Église parce que au Concile de la Laodicée, on a interdit d'utiliser le nom des anges parce qu'en utilisant le nom, on est maître un peu de ces anges, on peut utiliser ces énergies pour en faire un travail très précis parce que les anges, c'est quoi? Ce sont des niveaux d'énergie qui représentent, si l'on veut, la divinité dans un système solaire comme le nôtre. Bien, ces niveaux d'énergie-là, on peut les utiliser. Donc, ces entités positives sont des intelligences de lumière, si l'on veut, qui sont là et qui sont prêts à aider l'homme dans un processus initiatique. Et c'est pourquoi il y a un rapport absolument direct entre la période qui s'amorce ce soir et l'Antéchrist. Et toute la mission antéchristique, c'est-à-dire toute la mission de préparation à une force dynamique qui va jaillir en nous, qui est justement cette force du Christ. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait amorcer un nettoyage, si l'on veut, de ce qu'on pourrait appeler la caput mortem, c'est-à-dire la tête de mort. Ceci nous introduit à quelque chose qui va nous permettre de faire le passage entre l'Antéchrist et l'Antichrist, et c'est la chose suivante. Il faut comprendre le rôle occulte de la tête dans un processus initiatique. La tête, c'est ce qu'on appelle la place du crâne, c'est le Golgotha. C'est là où se passe l'initiation. C'est là où se passe la crucifixion et c'est en quelque sorte aussi l'amorce, si l'on veut, de la résurrection qui se produit à ce niveau. Qu'est-ce qu'on entend ésotériquement par la tête? Eh bien, symboliquement, cette tête que l'on a sur soi est en rapport analogique, en rapport direct avec ce que Saint Jean, qui fait partie de l'Antéchrist, Saint Jean l'Évangéliste, appelle la Nouvelle Jérusalem dans son texte de l'Apocalypse. La Nouvelle Jérusalem est appelée dans l'Apocalypse l'épouse. Pourquoi? Parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'état d'énergie dans lequel un individu se retrouve, l'état d'énergie dans lequel il est resté fidèle aux lois de Dieu, c'est-à-dire aux lois de la lumière. La Nouvelle Jérusalem correspond à la fidélité à la lumière. C'est pourquoi on l'appelle l'épouse dans les textes alchimiques. On sait aussi que la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville, évidemment, parce que toute chose, toute réalité a toujours une dimension extérieure, une dimension intérieure. Du point de vue extérieur, la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville, c'est une cité qui existe, pas sur le plan matériel, sur le plan éthérique, qui est construit actuellement par les anges, notamment. Pourquoi? Parce que les anges sont les suprêmes manipulateurs de l'éther. Ce sont eux. Nous, on est spécialistes de la matière. Ça fait suffisamment d'existence qu'on est dans la matière pour être capable, par exemple, de faire des ordinateurs, des choses du genre. Les anges, eux, n'ont jamais connu la matière. Ce sont les spécialistes de l'éther. Ce sont eux qui manipulent les courants de vie, par exemple, les courants de procréation, de reproduction. Ce sont eux également qui travaillent toutes les dimensions éthériques. Donc, la construction de la Jérusalem céleste, il y a des hommes, comte de Saint-Germain, entre autres, qui travaillent là, mais il y a principalement aussi des anges qui font ce type de travail. Donc, c'est une ville qui existe à l'extérieur, et nous dit Saint Jean, c'est une ville sur sept collines. Alors, dans le langage psychologique de la Bible, les sept collines correspondent à quoi? Ils correspondent à des lieux où on peut observer. D'un point de vue psychologique, lorsqu'on pense à une montagne ou une colline, on se dit, tiens, si je veux voir un peu plus loin, je vais monter sur cette colline. Donc, la colline, elle symbolise psychologiquement, dans un langage intérieur, symbolique, donc, qu'est-ce que représente justement, la faculté d'observation. Donc, les fameuses sept collines sur lesquelles la Nouvelle Jérusalem est posée, eh bien, c'est précisément, si on fait notre analogie avec la tête, les sept lieux d'observation qui sont au niveau de la tête, c'est-à-dire les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche. Donc, la tête est en rapport direct, analogique avec cette Jérusalem. On nous dit aussi, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a un porteur de lumière, c'est-à-dire il y en a un qui éclaire tout ça. Et dans la Nouvelle Jérusalem, on n'a même pas besoin de soleil ni de la lune parce qu'il y a cette lumière qui éclaire. Et ce porteur de lumière, c'est le Christ. Eh bien, si on fait notre rapport analogique encore avec la tête, avec la place du crâne, ce Christ, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être précisément le cerveau. Parce que en l'homme, en la tête, qu'est-ce qui éclaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne un sens à ce que l'on reçoit des sens, justement, à ce que l'on reçoit par les mondes d'observation, par les oreilles, par le nez, par la bouche et par les yeux? Ce serait une affaire tout à fait confuse, sans aucun sens, s'il n'y avait pas une lumière qui était projetée là-dessus. Et c'est le cerveau. C'est la fonction du cerveau d'analyser les choses, de jeter la lumière donc sur l'affaire et nous dire, bon ben voilà, vous voyez des gens qui sont assis, ces gens-là font partie de tel et tel type d'énergie. On peut analyser les choses, et on peut même faire plus qu'analyser les choses avec donc ce cerveau. Donc un rapport analogique. On vous dit aussi dans les textes alchimiques que la Nouvelle Jérusalem a 12 portes et que ces portes sont toujours ouvertes. Eh bien, ceci se rapporte, encore une fois, anatomiquement, au nerf crânien du cerveau. Il y a 12 paires de nerfs crâniens qui arrivent au cerveau pour nous montrer que lorsqu'on sera rendu dans cet état de conscience futur qui est préparé par l'Antéchrist, on sera toujours conscient. On ne vivra plus l'alternance entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est très important. Donc, il n'y aura plus ni jour ni nuit. On va toujours être conscient, et c'est pourquoi on dit les 12 portes sont constamment ouvertes, parce que les 12 nerfs qui arrivent au cerveau seront constamment, justement, en activité. Et l'homme ne perdra plus jamais conscience, ce qui est très important. Donc, ça, c'est l'état de conscience, si on veut, la conscience perpétuelle que l'homme possédera lorsque, précisément, il sera en rapport avec cet état d'énergie qu'on appelle la Jérusalem céleste. La Jérusalem qui veut dire la cité de paix. Alors là, je vous ai brièvement esquissé ce qui correspond, en gros, évidemment, au corps mystique de l'Antéchrist et au travail qui doit s'amorcer maintenant. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a cette notion première d'Antéchrist, mais il y a aussi la notion de ce qu'on appelle l'Antichrist. Et c'est là que les choses deviennent différentes. L'Antichrist n'est pas évidemment lié à tout ce qu'on vient de voir, il est lié au principe ou à la polarité totalement inverse. Et cette polarité, c'est entre autres ce que les alchimistes appellent Babylone. Babylone, qui est cette fameuse cité de perversion dont nous parle l'Apocalypse, qui est aussi une tête, qui est aussi, mais cette fois-ci, une caput mortem, c'est-à-dire une tête de mort. Et cette Babylone, eh bien, c'est justement, Daniel nous dit dans les textes sacrés, Daniel dit que Babylone est comparable à la tête qui a été vue en songe par Nabucodonosor. C'est de Daniel lui-même qu'on peut tirer un rapport analogique entre une ville comme Babylone et la tête. Et on sait aussi que Babylone va avoir toutes les mêmes caractéristiques que la Nouvelle Jérusalem, mais inversées. C'est-à-dire qu'on va avoir, la Babylone n'est plus l'épouse, c'est-à-dire celle qui est fidèle à la lumière ou aux lois divines, c'est la prostituée, l'infidèle à ses lois divines. Elle est aussi sur 7 collines, c'est-à-dire qu'elle est aussi au niveau de la tête. Il y a aussi les 7 lieux d'observation qui sont disponibles. Cette Babylone a aussi une source de lumière, c'est-à-dire il y a aussi un cerveau dans la tête des Babyloniens, dans la tête des Lucifériens, si l'on veut, parce que cette lumière, c'est Lucifer, justement. Vous savez que Lucifer, ça veut dire aussi porteur de lumière. Donc, le porteur de lumière de Babylone, qui est lié donc avec le corps mystique de l'Antichrist, cette fois-ci, eh bien, c'est Lucifer qui siège le cerveau, le côté gauche du cerveau principalement, et le côté extérieur du cerveau, l'aspect extérieur du cerveau. Donc, Lucifer, l'astre du matin, celui qui domine vibratoirement Babylone. Ce porteur de lumière, ce cerveau donc qui est luciférien, c'est un cerveau qui va concevoir le monde d'une façon totalement différente du cerveau de celui qui habite Jérusalem, de celui qui est dans cette cité de paix, parce que celui qui est dans la cité de paix est dans la cité de paix, c'est-à-dire qu'il est en paix. Et toute la vision, toute la lumière qu'il va projeter sur le monde va être une lumière de paix. Il ne verra plus, il ne pourra plus voir l'opposition. C'est-à-dire le vrai, le faux, le bien, le mal, le chaud, le froid, toutes ces réalités-là, qui sont des illusions de la psychologie de la personnalité, ce sont des choses qui n'existent plus dans un monde ou dans un cerveau ou dans une tête où c'est le Christ qui éclaire à travers justement le cerveau. Alors que à l'autre niveau, pour celui qui est un Babylonien et que Lucifer donc éclaire les choses, cet homme va voir toutes les choses, le noir, le blanc, d'une façon très, très catégorique. Il va être un être qui va beaucoup juger, il va être un être qui va beaucoup condamner aussi, parce que c'est une entité qui est polarisée, dont toute son existence est polarisée selon une réalité, une autre réalité. C'est un moraliste à l'extrême. C'est pourquoi Hegel disait que les livres de morale ne sont bons que pour envelopper des fromages puants. Bon, il exagérait un peu, évidemment, mais il n'exagérait pas tant que ça. C'est-à-dire que, évidemment, la morale, elle est fondamentale. La morale, c'est ce qui permet à un homme de passer à travers le carême. C'est ce qui permet à l'homme d'avoir une certaine assaise. Mais il faut faire attention à la morale. Il ne faut pas prendre la morale au sérieux. Il faut la considérer comme étant une façon de progresser, mais ce n'est pas la réalité. C'est un espèce de jeu, un jeu qui est très profond, un jeu où tout se joue, justement. Mais ce n'est pas la réalité. Et si on est capable de dire, ben oui, il y a du bien et du mal, mais je ne suis pas dépendant de cela, c'est-à-dire que je peux prendre une distance et je peux dire, oui, il y a du bien et du mal, oui, pour moi, telle réalité ne serait pas correcte, je dois m'orienter dans telle voie, mais je reconnais que les deux voies, en fait, dans la réalité de la réalité, c'est quelque chose qui est confondu. Alors, de toute façon, ceux qui suivent un peu les conférences précédentes savent là où je veux en venir, c'est-à-dire l'importance de réunifier les choses, d'être dans une cité de paix. Alors, Babylone, c'est tout le contraire. Babylone, donc, c'est tout le contraire du supramental, c'est une conscience égoïste, une conscience égocentrique, une conscience où l'homme va se dire « Oui, moi, je connais cette chose, j'en ai fini de connaître cette chose. » On pourrait se demander si c'est possible un jour de connaître quelque chose, de connaître un objet. Philosophe qui... Bon, comme Sartre et comme d'autres, des philosophes qu'on appelle les phénoménologues, qui sont devenus malades en avant d'un objet parce qu'ils se sont dit, bon, simplement ce poteau-là, je ne peux pas en finir de connaître ce poteau-là. C'est impossible que je vois tous les aspects de ce poteau-là. Je me tourne un peu, le poteau a une autre réalité, je me retourne un peu, c'est une toute autre réalité, je me mets debout, je me mets devant, demain, ce sera pas la même réalité. Pour moi, un poteau, demain, bon, évidemment, ce sera toujours un poteau. Enfin, très longtemps, ça va être un poteau, mais je vais peut-être le voir d'une façon différente. Selon l'optique où je vais le regarder, il va m'apparaître différemment. Je peux voir qu'il y a une fonction. Je peux voir qu'il y a une fonction qui est d'encadrer la chose. Je peux voir qu'il y a un sens ésotérique à ce poteau-là qui crée une atmosphère vibratoire en avant qui est différent de là, etc. Donc, on n'en finit pas d'analyser une chose. C'est pourquoi Saint Paul, qui était un philosophe du supramental, un philosophe christique, disait ceci. Si quelqu'un s'imagine connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Alors ça, c'est pas un ésotériste flyé du 20e siècle. C'est Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens pour bien vous montrer que dans l'état de conscience christique, justement, la réalité, eh bien, elle est dans un tout autre rapport. Donc, ceux qui s'imaginent connaître, ceux qui ont cerné les choses et puis que c'est définitif, tout est fini là, eh bien, évidemment, ce sont des êtres qui n'ont pas la lumière du cerveau de Jérusalem, ce sont ceux qui ont de la lumière du cerveau de Babylone, c'est-à-dire ce sont ceux qui font partie de ce qu'on pourrait appeler, jusqu'à un certain niveau, le corps mystique de l'Antichrist. Et ça nous introduit à la notion d'Antichrist, qui est l'autre notion que je voulais essayer d'éclaircir ce soir. Essentiellement, l'Antichrist est organisé autour de tout ce qui fait partie du rapport matériel ou sensoriel avec l'individu. Autant la conscience christique est une conscience qui se détache de la matière, sans la condamner, sans la rejeter, l'esprit de l'Antichrist est celle de relier l'homme à la matière. De telle sorte que le seul but de la conscience de l'Antichrist, c'est justement d'enliser progressivement l'esprit éternel en soi, de le momifier le plus possible, de l'attacher le plus possible avec le plus épais de bandelettes possible, et le mettre sous le plus de couches de terre possible sous le sol. Et lorsque cet esprit est totalement étouffé comme ça, ben là, il y a plus de problème. Parce que les entités qui font partie de l'Antichrist sont des entités, justement, qui vont capter les énergies de l'homme et qui se servent de l'homme comme ils se servent de comme nous pourrions, par exemple, malheureusement, nous servir, par exemple, de certains animaux. Donc, ces entités qui font partie de l'Antichrist, ils n'ont pas intérêt à ce que les animaux se libèrent. Ils n'ont pas intérêt à ce que l'homme quitte leur joug pour aller un peu partout faire leur travail. Non, bien au contraire, ils ont pour rôle, en tant qu'entité faisant partie de l'Antichrist, de maintenir l'homme dans sa condition actuelle et continuer de le dominer, continuer de se nourrir de ses émotions, de ses sentiments. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les émissions de Patrouille du Cosmos, de Star Trek. Il y avait eu une émission, entre autres, où précisément il y avait des entités dans l'invisible, qui étaient des entités et qui avaient assailli évidemment tout l'appareil de Patrouille du Cosmos. Et tout l'équipage de Patrouille du Cosmos était soumis par ces entités, et ces entités-là se nourrissaient de la haine des humains. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils ont commencé à s'infiltrer, évidemment, dans la conscience de tout l'équipage, et là, ils ont fait jaillir dans ces êtres-là, des énergies de haine. Et progressivement, bien, les gens ont commencé à se battre, à se chicaner. Enfin, la guerre a pris dans l'appareil. Sauf pour quelques individus, dont le commandant, évidemment, et M. Spock, même si M. Spock avait été influencé jusqu'à un certain niveau, il me semble, se sont rendus compte, ces gens-là, que les entités, justement, qui les manipulaient à ce moment-là, se nourrissaient de la haine. Et donc, ils avaient intérêt à ce que la haine se multiplie à bord de l'équipage, que la guerre soit à son plus haut niveau, que tous les gens s'affrontent, et là, ils se nourrissaient de cela. Et évidemment, ils ne pouvaient pas échapper à ces entités tant qu'ils avaient de la haine. Et ça allait très loin. S'ils avaient de la haine envers ces entités, ils les nourrissaient. Donc, le seul moyen, c'était de ne pas être haineux, hein, d'aimer l'ennemi, comme le dit le Nazaréen, d'aimer ces ennemis-là, et aussi d'essayer d'amener les gens à arrêter ce comportement de haine et à devenir un peu plus amoureux. Et c'est exactement le même processus qui se produit dans le monde. Vous savez, la science-fiction, c'est... Comme le disait Jean-Miguel, il n'y a pas de science-fiction, il y a une fiction dans la science. Mais il y a quelque chose de très important dans le sens, justement, où dans ces représentations de science-fiction qu'on a, il y a évidemment un reflet, un écho de ce qui est dans la réalité aussi. Bien, le corps mystique de l'Antichrist fonctionne exactement de la même manière. Il se nourrit des sentiments, des émotions, des gestes, des humains sur cette terre qui expriment de la passion, qui exprime de la violence, qui exprime tous les éléments qui font partie de ce que la morale appelle le vice, tous les éléments qui sont en rapport avec une dépendance face à la matière. Et plus l'homme est dépendant face à la matière, plus l'homme s'envoie en l'air, plus l'homme se vautre dans la matière, plus l'homme exprime ses côtés psychologiques un peu ténébreux, et bien plus ces entités-là se nourrissent sur les plans supérieurs, et plus ils deviennent puissants, et plus ils ont un pouvoir d'influence sur l'homme, et le cercle, évidemment, est très vicieux, jusqu'à, justement, apporter un homme qui est dans une dégénérescence totale et qui peut à peine se relever, en qui l'esprit est pratiquement ou à peu près mort. Et ça, c'est très, très, très important, évidemment. Et c'est une espèce de tentation que chacun des humains vit. Mais comme tout dans l'univers est récupéré par les forces de la lumière, cette tentation, comme je vous l'indiquais au début de la conférence, est justement ce moyen d'augmenter le potentiel intérieur, dans la mesure où on soit capable de lutter, dans la mesure où on soit capable de résister. Et c'est pourquoi la résistance à la tentation, dans cette fameuse période de 40 jours qu'on amorce aujourd'hui, est fondamentale. Et c'est pourquoi, justement, il y a un combat actuellement sur les plans invisibles depuis ce matin. Il y a un combat sur les plans invisibles entre les intelligences, les anges lucifériens, les intelligences de l'Antichrist et les anges jéhovistes, les anges de la lumière, les anges fidèles à Dieu, qui sont les entités de l'Antéchrist. Et là, il y a un combat sur les plans subtils. Et plus on est spiritualiste, plus on est dans des écoles spirituelles, dans des groupes mystiques, plus on ressent ces vibrations et plus on est affecté, tant d'un côté comme de l'autre, justement par ces différentes intelligences. Donc, il faut en arriver à être capable de prendre cette distance. Vous savez, lorsque le Nazaréen devait se rendre à Jérusalem pour être crucifié, pour mourir, pour souffrir, etc., il avait averti ses disciples et Saint-Pierre avait dit « Non, écoute, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. » Et le Christ avait dit « Vade retro satana, arrière Satan », parce que justement, c'était de vouloir conserver l'aspect matériel et ne pas laisser l'aspect spirituel se manifester. C'était donc la tentation que Steiner et d'autres occultistes ont appelée la tentation arimanienne. Donc, c'était de vouloir conserver l'aspect matériel, conserver sa caput mortem, ne pas perdre ses bandelettes, hein, parce qu'il faut mourir, justement. Le sens même de tout le travail initiatique, c'est la mort. Platon l'avait dit bien avant nous, il avait dit « apprendre à philosopher, c'est apprendre à mourir ». Donc, le sens même de l'initiation, le sens même de notre démarche, c'est d'en arriver, finalement, à la libération, à la mort. Si on la refuse, la mort, comme on va la refuser dans les siècles qui vont venir parce qu'il y aura un clonage, parce qu'il y aura des techniques qui immortaliseront presque le corps physique, bien, si on refuse cette mort, bien, on fait ce que Saint-Pierre, le premier pape, avait recommandé aux Nazaréens. Et ce premier pape s'était fait dire « arrière Satan », c'est-à-dire « attention, la tentation, elle est forte ». Évidemment, même si vous êtes pape, même si vous avez un certain degré de spiritualité, vous êtes toujours exposé, évidemment, à cette tentation. Donc, le rôle, précisément, de l'Antichrist sera d'empêcher ce passage, d'empêcher la résurrection, finalement, et de multiplier le cycle des réincarnations, ou de conserver, comme ça s'est fait chez les pharaons d'Égypte, de conserver emprisonner la conscience d'une entité et de la replacer par un phénomène à la fois scientifique et magique dans un clone, par exemple, et conserver donc la conscience prisonnière de la matière pendant des siècles et des siècles. Et c'est dans le but, évidemment, de se nourrir, comme les vampires dont on parlait dans l'émission de Star Trek. Alors, l'Antichrist va se manifester de différentes manières. Il va se manifester à travers tous les courants qui sont des courants qui rattachent à la matière, certaines utilisations de drogue, certaines utilisations de sexualité, à travers l'argent, dans une certaine forme d'utilisation, à travers, ils vont détruire toutes les formes, toutes les valeurs fondamentales de la société, notamment, par exemple, la famille. La famille qui était et qui demeure toujours une institution lunaire, une institution en rapport avec la séphira de Yesod, le fondement même, selon les kabbalistes. Ils vont détruire la religion, ils vont détruire différentes structures, et ils vont détruire la philosophie, c'est-à-dire le phénomène que l'homme se pose des questions et essaie d'y répondre, et ils vont remplacer ça par exemple, une utilisation effrénée et démesurée du sport. Et ça, c'est tout ce qui se trouvait déjà dans un plan du passé, qui est ce qu'on appelle le protocole des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion, c'est la manifestation à un certain niveau, à un certain ordre politique, de la conscience de l'Antichrist. Et tout ce qui avait été prévu vers 1887, en tout cas au début du siècle, c'est justement quelque chose qui se réalise comme une prophétie très efficace. Et, par exemple, ils avaient dit qu'ils détruiraient la religion, qu'ils ruineraient le fondement des familles, qu'ils mettraient les syndicats des employés, la bisbille entre les employeurs et les employés, qu'ils mettraient du sport, qui manipulerait les foules par le sport, etc. Donc, tout ça, c'est manifesté. L'Antichrist, donc, s'est manifesté à ce niveau-là. L'Antichrist s'incarne, la conscience antichristique ne s'est jamais totalement investie, mais elle le fera d'ici quelques siècles. C'est là-dessus que je vais terminer cet entretien. Elle ne s'est jamais encore investie totalement, mais elle s'est investie partiellement. Par exemple, chez le phénomène de Hitler. Hitler, qui était un mage noir, qui était un mage blanc au départ, mais qui est devenu un magicien noir, et qui, lui, justement, a consacré sa vie, son activité magique et politique à l'Antichrist. Et c'est pourquoi c'est très important aujourd'hui de savoir que la période du carême, c'est-à-dire les 40 jours dans lesquels on est, c'est une période ésotérique dans laquelle on peut se consacrer soit aux anges de la lumière ou soit aux anges des ténèbres. Habituellement, on n'en parle pas trop dans les milieux de la lumière. On essaie de, parce que c'est une tentation ahrimanienne. Ahriman, vous savez, il est très subtil. Ahriman, il dit à l'homme qu'il n'y a que la matière. À certains hommes, ceux qui ont des tendances matérialistes, très, très scientifiques, rationalistes, ils vont leur dire, bon, il n'y a que la matière. Alors, ils amènent le matérialisme. Mais aux spiritualistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bien pris parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas se présenter à un spiritualiste puis lui dire, écoute, il n'y a que la matière, parce que les spiritualistes vont les envoyer promener, évidemment. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils s'infiltrent et ils disent aux spiritualistes, il n'y a que l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça produit? Bien, le spiritualiste se dit, c'est vrai, il n'y a que l'esprit. Donc, cet ésotériste, ce spiritualiste, n'agit plus dans le monde. Il ne fait plus ce qu'on appelle de la magie. Donc, les arimaniens s'infiltrent actuellement dans les milieux de la lumière blanche et ils disent, bien, écoutez, le rituel, c'est pas important. Écoutez, la magie, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. Pourvu que vous adoriez en esprit la lumière, ça, c'est suffisant. C'est ça que les arimaniens disent. Évidemment, ils prennent les gens par leur point faible, de telle sorte qu'on ne parle plus dans les écoles de lumière du fait que dans ces 40 jours, il y a une possibilité extraordinaire d'entrer en contact avec l'Antéchrist, de se préparer à manifester les pouvoirs de l'esprit. Mais dans les écoles de magie noire, bon, je veux pas entrer dans les détails, évidemment, mais je suis suffisamment au courant de ces questions-là de magie noire, de secte luciférienne, pour savoir que dans ces 40 jours, c'est précisément le moment très précis où les lucifériens vont organiser des cérémonies d'initiation. Principalement, ils vont les faire dans la nuit du 6 au 7 mars et du 7 au 8 mars, et dans la nuit du 19 février. Pourquoi? Parce que ce sont des moments importants de pleine lune et de nouvelle lune, et c'est à ce moment-là qu'ils vont initier, qu'ils vont amener les candidats, les néophytes, dans leurs écoles donc lucifériennes, à entrer en contact consciemment avec les intelligences lucifériennes, par des orgies, par différentes techniques, évidemment, passons les détails, mais ils vont faire cela, et ils vont consacrer, et ils vont augmenter terriblement le pouvoir du Graal noir. Chaque année, ils le font. Alors que le Graal blanc va, en proportion, grandir d'une manière tout à fait subtile et tout à fait imperceptible presque, parce que on a oublié cette consécration à la lumière, on a oublié ce travail dans le désert qui doit être vécu dans ces 40 jours. C'est pourquoi j'insiste ce soir en vous parlant de ça. Donc, la conscience antichristique, elle est très, très au courant des choses, et actuellement, évidemment, les gens se préparent dans les différentes écoles de magie noire à se consacrer justement à Lucifer. Je vous disais tout à l'heure, l'antichrist va éventuellement s'incarner totalement, s'investir totalement sur Terre. Ceci va se manifester au niveau matériel au début du troisième millénaire, c'est-à-dire dans les années qui viennent. Enfin, Steiner, encore une fois, le mentionne, et c'est connu dans les milieux ésotériques, que justement cette entité arimanienne, qui n'est pas Riemann lui-même, mais qui est une entité arimanienne, qui est une espèce de tête, une espèce d'esprit directeur de l'Antichrist, va se manifester, s'incarner au début du troisième millénaire. Je vous dis pas ça pour vous faire une conférence de sensations fortes ou une conférence d'horreur, mais cette entité-là va véritablement s'incarner. Et cette entité-là, bon, on a à travers certains auteurs, à travers certaines écoles, les modalités de l'incarnation de cette entité. Notamment, il est paru dans les années 50 un livre qui s'appelait « Démasqué », qui était écrit par le fondateur du Lectorium Rosicrucianum, d'une école ésotérique en Europe, qui s'appelait Rickentorck, et qui a écrit « Démasqué », un livre justement où il parle du plan mondial où la conscience antichristique va prendre le pouvoir sur l'ensemble de la planète. Il va prendre un pouvoir politique, pouvoir religieux, et va manipuler l'ensemble de l'humanité pendant un certain temps. Donc ça, c'est connu que vers le début du troisième millénaire, donc, il y aura l'incarnation de cette entité. Il y aura donc une mise en scène qui va être préparée, et qui est déjà préparée actuellement. Il y a des peuples qui habitent près des pôles, notamment au Groenland, dans le nord du Québec. Le Québec est très important dans cette histoire-là. Il y a des groupes qui habitent donc dans ces régions, et qui sont le corps mystique de l'Antichrist, ceux qui préparent la venue de l'Antichrist, et qui, eux, ont pour rôle de préparer l'esprit de l'homme à cette arrivée de la conscience antichristique, à cette manifestation politique, matérielle et religieuse de cette conscience antichristique. Et pourquoi ils sont dans les pôles? C'est parce que les pôles, c'est du pôle Nord notamment, que l'énergie tellurique magnétique est envoyée, est dirigée. Alors, ils sont là pour jeter des programmes, programmer cette énergie magnétique. Ça s'est toujours fait dans l'histoire mémorable de la planète. Il y avait ce qu'on appelait le Thulé, l'hyperborée et la ville de Thulé dans cette hyperborée, qui était justement un lieu où des guides de lumière, à l'époque, pouvaient diriger l'ensemble de la planète. Mais il y a toujours une guerre pour s'approprier les pôles. Et cette guerre-là, elle est sur le plan spirituel, elle est aussi sur le plan matériel. Vous savez que dans le Groenland, il y a une ville qui s'appelle Thulé. Il y a une base militaire qui s'appelle Thulé et qui est dirigée par les Américains. Et il y a toujours une guerre entre les superpuissances pour s'approprier les pôles, parce que les pôles sont vitales. Le pôle Nord, c'est le cerveau de la planète. Alors, si on s'approprie le pôle Nord, on peut envoyer dans le tellurisme des directives qui préparent les gens, parce que les gens, écoutez, ils captent le tellurisme, les gens. Ils sont pas isolés du système nerveux de la planète, donc ils captent ce tellurisme-là et ils sont programmés. Ils sont inconsciemment programmés. Toute activité inconsciente de l'homme, elle se fait dans sa plus grande partie à travers justement ce tellurisme. Donc, ils sont ces sociétés qui préparent la venue de l'Antichrist, notamment au Groenland et dans ces régions-là. Et là, ils ont un plan qui est absolument extraordinaire, qui a été notamment expliqué dans ce livre « Démasqué », qui est assez difficile, je crois, à trouver. Enfin, on pourra peut-être demander tout à l'heure à François Payotte. Donc, il y a un plan très précis qui est mis en place, notamment ce plan qu'on prévoit qu'à un certain moment, dans tous les postes de radio de la planète, toutes les communications vont être interrompues, et là, il y a une voix posée, une voix de grand sage qui va dire « Écoutez, aujourd'hui, c'est le grand jour, le retour du Christ est arrivé, préparez-vous à rencontrer votre Seigneur, etc. » Bon, alors les gens, au départ, vont se dire « Ben, écoutez, c'est une mauvaise plaisanterie, etc. » Sauf que, tout ça, selon cette prophétie, selon ce plan, eh bien, ça va être embêtant parce que ça va s'être produit dans tous les postes de radio de la planète. Alors, éventuellement, ça va se savoir, évidemment. Puis, il va y avoir une deuxième fois, puis il va y avoir une troisième fois, et on va se rendre compte, à un moment donné, que c'est plus du bluff. C'est quelque chose de mondial, qu'il y a quelque chose qui se passe autour de cela. Alors, c'est le premier phénomène qui pourra arriver. Alors, on va présenter le retour du Christ sur un plan, évidemment, matériel. C'est le rôle de l'Antichrist. À partir de ce moment-là aussi, il va y avoir des phénomènes atmosphériques, parce que ces sociétés secrètes qui préparent la venue de l'Antichrist, sont des sociétés qui manipulent le magnétisme, qui manipulent aussi beaucoup l'électricité. Alors, en utilisant des techniques scientifiques au niveau du magnétisme, de l'électricité, et en y mêlant évidemment un pouvoir magique, ils vont pouvoir, dans l'espace, dans l'atmosphère, opérer des phénomènes atmosphériques. Ils vont pouvoir faire apparaître une nuée rose et projeter mentalement sur cette nuée un Christ, c'est-à-dire un être qui correspond exactement à ce que on se fait, à l'idée qu'on se fait du Christ ou à l'idée qu'on se fait du maître. Alors, il va apparaître ce maître sur la nuée, et là, il va avoir des chants célestes, il va même avoir des anges tout le tour. Alors, imaginez-vous qu'une telle apparition se fasse, par exemple, en sortant ici du centre de l'universalité. Bien évidemment, les gens, même ceux qui croient pas à rien de sur le plan religieux, ils vont se lancer dans les lieux de culte et ils vont demander à Dieu d'être sauvés, etc. C'est une situation qui est impressionnante. Bon, on peut se demander si c'est possible ou pas. On sait que la science est quand même assez avancée. On sait que ce que l'on connaît de la science est une infime particule absolument pas importante de ce que c'est vraiment. On a juste à voir quelques rapports de l'armée américaine sur la parapsychologie pour savoir qu'ils sont beaucoup plus avancés qu'on pourrait le croire. Et évidemment, ces sociétés secrètes, initiatiques, sont aidées dans l'astral, comme Hitler a été aidé dans l'astral par ces entités qui font partie de l'Antichrist. Donc, ils reçoivent de l'information magique et scientifique. Donc, ils sont très avancés. Et ce phénomène-là est possible. Ce phénomène-là peut être très facilement fait demain matin dans les airs. Donc, ça va être quelque chose de problématique, parce qu'ils vont se servir des modèles psychologiques. Ceux parmi vous qui ont déjà vécu des expériences de dédoublement savent qu'en arrivant dans le bas astral, il y a une quantité de beaux maîtres spirituels qui se présentent et qui veulent aider l'aspirant qui est là. Pourquoi? Parce que ce sont des entités, le plus souvent négatives, qui servent des modèles psychologiques de l'individu pour justement les amener à une telle réalité. Bon. Il sera vécu la même expérience avec cette fameuse apparition de l'Antichrist qu'il y a eu à l'époque des Incas, quand les Espagnols sont arrivés sur le territoire Inca et qu'ils ont dit, qu'ils sont arrivés et qu'ils correspondaient psychologiquement, eux autres, c'était un peu par hasard dans le fond, qu'ils correspondaient psychologiquement à leur dieu, parce que les Incas attendaient le retour de grands dieux blancs barbus, bon, etc. Alors, lorsqu'ils ont rencontré Ils ont vu ces Espagnols arriver qui étaient des grands dieux blancs barbus. Ils les ont pris pour leur viracocha, pour leur dieu, se sont laissés massacrer. C'est exactement le même processus qui va être utilisé maintenant. L'Antichrist va former des modèles psychologiques qui correspondent à la conscience, à ce qu'on pense être le Christ. Et là, ils vont nous manipuler, évidemment. Et nous manipuler très facilement par l'électricité, par le magnétisme, d'où le rôle important du Québec. Le Québec qui est situé sur la planète près des pôles, qui est en fait un centre nerveux de la planète très important et qui est aussi très important sur le plan de l'électricité. Alors, on sait que lorsqu'il y a des phénomènes liés à l'électricité, le Québec est toujours mêlé de près ou de loin à ces événements. Donc, l'homme va être préparé. L'homme va être préparé, et il est déjà préparé, à une rencontre de ce type, à une manipulation de ce type. Je ne vous dis pas que cela va arriver exactement comme c'est noté, mais il faut quand même prendre très au sérieux ces informations que l'on a dans les écoles ésotériques concernant cette arrivée, cette incarnation de la conscience, si l'on veut, arimanienne. Et l'homme va donc, comme je vous le disais, être préparé, et progressivement, il va laisser entrer en lui cette conscience arimanienne. L'homme qui est très intellectuel, très rationnel, et qui se détache de la spiritualité, crée à l'intérieur de son cerveau une espèce de taux d'énergie, une espèce de degré vibratoire, qui est une espèce de lit très confortable pour la conscience arimanienne. Alors que le spiritualiste, c'est-à-dire celui qui n'a pas de rapport avec la matière, autre que d'apprendre à la manipuler, justement, comme tous les hommes doivent le faire, eh bien, le spiritualiste, lui, a à l'intérieur de sa tête un état de vibration qui est comme un feu vibrant. Et de telle sorte que les arimaniens ne peuvent pas rester dans le cerveau d'un spiritualiste, parce que ils s'y sentent justement écrasés, ils s'y sentent consommés véritablement par l'énergie qui est dégagée par ce spiritualiste. Donc, dans la mesure où on va atteindre des schémas de pensée spirituelle, on va nécessairement se dégager de l'influence arimanienne. De telle sorte que lorsque le grand jeu va se réaliser, lorsqu'Ariman va paraître sur la nuée, eh bien, les spiritualistes, les gnostiques, ceux qui ont déjà un cheminement de fait avec l'Antéchrist, ceux qui sont consacrés aux énergies de la lumière, ceux qui font de la magie blanche, ne pourront pas être bernés. Ils vont parce qu'ils ne seront pas programmés à l'intérieur. Et on ne peut rencontrer que ce qui est semblable à nous. C'est pourquoi, dans la tradition chrétienne, on dit que l'homme va rencontrer le Christ dans les airs, lorsqu'il sera Christ, de toute façon. C'est ce que le père de l'Église, Tertullien, disait. Un chrétien, c'est un autre Christ. Et le Christ ne peut revenir que lorsque l'homme est lui-même christifié, lorsque l'intérieur correspond à l'extérieur. Même chose pour l'Antichrist. Donc, l'Antichrist n'aura de pouvoir que sur les Antichrists, c'est-à-dire sur les entités qui seront programmées sur son même taux d'énergie, mais ceux qui sont à un autre niveau d'énergie ne subiront pas l'influence vibratoire de l'Antichrist. Donc, ils pourront le dénoncer. Évidemment, on les mettra de côté, on les fera taire. D'ailleurs, on veut déjà faire taire les ésotéristes. Mais dans des cas critiques, c'est beaucoup plus manifeste. Pensons à la Seconde Guerre mondiale, c'était très puissant. Première chose qu'on a fait lorsqu'on a assiégé la France, c'est d'aller piller les bibliothèques de Papus, des occultistes, etc., de fermer les loges martinistes, les loges initiatiques, même de tuer les chefs des écoles initiatiques. Donc, il se passera un peu le même phénomène, parce que l'homme qui est sensibilisé sur un plan initiatique n'est pas réceptif aux directives d'Ariman ou aux directives de l'Antichrist. Donc, il demeure totalement libre de poser les gestes qu'il veut. Et c'est eux seuls qui seront en disharmonie, qui pourront prendre une distance. Et même, ce sera une situation un peu semblable à ce que les prophéties évangéliques disent, même les élus pourront être séduits par le phénomène qui se produira. Donc, l'avènement de cet antichrist-là va être intéressant, finalement, parce que ce sera une tentation, parce que ce sera un moment où on pourra justement se préparer à la chose. Et vous savez que dans les journaux quotidiens de la planète, notamment la presse de Montréal, le 24 avril 1982, est paru dans la presse de Montréal une page complète, éditée par Tara Center, où on présentait le retour du Christ. Et on représentait le retour du Christ exactement de la même manière que Rickenthorpe en avait parlé dans son livre Démasqué des années 50, c'est-à-dire on disait « Préparez-vous, d'ici quelques semaines, le Christ va vous parler à la radio, à la télévision, tout le monde va l'entendre dans sa langue et tout le monde va reconnaître qu'il est Seigneur et qu'il faut le suivre. » Alors ça, c'est paru le 24 avril 1982 dans la presse de Montréal, dans la Tribune à Sherbrooke et dans la plupart des grands quotidiens du monde. Donc, ce n'est pas une chose qui est faite à la légère. Hein. Lorsqu'une institution a suffisamment de moyens financiers pour faire paraître une annonce, une page complète dans tous les grands journaux du monde, c'est parce que précisément, il y a quelque chose derrière. Et c'était donc Tara Center qui éditait cela. Et qui montrait justement le retour du Christ exactement de la même manière qu'on attend, nous, les occultistes, l'Antichrist. Donc, c'est un premier signe. Évidemment, ça s'est pas passé dans les quelques semaines qui ont suivi, même si elle est, et c'est justement parce qu'à l'époque, les écoles de l'Antéchrist se sont mises en branle. Je me souviens que j'ai participé à ce moment-là à une tournée de conférences où on a parlé du rapport entre Christ et Antichrist, justement parce que on a pris très au sérieux dans les milieux ésotériques cette annonce. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé dans les temps qui étaient prévus que cette annonce-là n'était pas sérieuse et qu'elle ne se représentera pas un peu plus tard pour des raisons ésotériques et que là, ça n'arrivera pas justement ce fameux phénomène. Donc, il est très important, et je ne suis pas venu ici pour vous apporter une crainte quelconque ou vous faire frissonner, comme je vous disais tout à l'heure, je vous montre l'aspect de l'Antichrist en rapport avec l'Antéchrist pour qu'on puisse réaliser que l'Antichrist, il ne se présentera pas à l'homme avec des cornes, avec une queue et avec les dents de Dracula. C'est pas comme ça qu'il va se présenter. Il va se présenter sous les aspects du Christ, justement. Il va se présenter sous les aspects de la lumière pour essayer d'amener l'homme le plus possible à le réaliser. Et lorsqu'on voit des choses comme cette annonce du 24 avril 82, c'est pas très loin, puis c'est très près de nous, c'est dans la presse, eh bien, on se doit d'être attentif aux signes des temps, on se doit d'être attentif à tout ce qui se produit autour de nous et réaliser que nous, on a un pouvoir qui est de se mettre en rapport vibratoire avec l'Antéchrist. Si on le fait, évidemment, on va passer à cette étape résurrectionnelle et on va devenir un être qui peut manifester l'esprit sur la terre. Si on ne le fait pas, on se met directement en rapport vibratoire avec l'Antéchrist. Et à partir de ce moment-là, on passe dans le flux de l'énergie et on devient un être qui est justement un être impuissant et qui devient un être qui ne peut plus, absolument plus, manifester, si on veut, la lumière. Alors, j'espère que dans ce bref exposé-là, on pourra expliciter des choses durant la période de questions. Vous aurez en tout cas vu un peu la différence entre l'antéchrist et l'antichrist. Parce que malheureusement, on confond beaucoup les termes. On a déjà refusé dans une revue spiritualiste de publier un de mes articles parce que je l'avais appelé le corps mystique de l'antéchrist. Puis on pensait que c'était l'antichrist. Puis bon, il y a eu toute une histoire évidemment autour de ça. Alors, c'est très important de voir les termes, de voir que anté, ça veut dire avant, celui qui prépare la venue, et anti, ça veut dire contre. Alors, si on voit les deux termes, bien, à partir de ce moment-là, on commence à comprendre un peu plus, justement, qu'est-ce que c'est que le mystère de l'antéchrist, en rapport, évidemment, avec le mystère de l'antichrist. Donc, on s'arrête pour quelques instants, et ensuite, on reprend avec une période de questions. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Payeur. Je pense qu'on peut l'applaudir, il le mérite. Thank you.